Mémoire du sergent Bourgogne, 1812-1813, par Paul Cottin, directeur de la Nouvelle Revue Rétrospective, et Maurice Hainaut, archiviste municipal de Valenciennes. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org. Avant-propos. Fils d'un marchand de toile de Condé-sur-Hainaut, dans le Nord, Adrien Jean-Baptiste François Bourgogne entrait dans sa 20e année le 12 novembre 1805, à une époque où le rêve unique de la jeunesse était la gloire militaire. Pour le réaliser, son père lui facilita son entrée au corps des vélites de la garde, pour laquelle il fallait justifier d'un certain revenu. Ce que furent d'abord les vélites, on le sait, des soldats romains légèrement armés, destinés à escarmoucher avec l'ennemi. À la fin de la Révolution, en l'an 12, deux corps de vélites de 800 hommes chacun furent attachés aux grenadiers à pied et aux grenadiers à cheval de la garde des consuls. Un décret du 15 avril 1806 décida que 2000 nouveaux vélites seraient levés, et deux de leurs bataillons ou un de leurs escadrons attachés à chacune des armées dont la garde se composait. La vieille garde seule en reçut, nous écrit M. Gabriel Cottereau. Ils furent répartis dans les corps des grenadiers et des chasseurs à pied, ainsi que dans le corps des chasseurs, des grenadiers, des dragons de l'impératrice pour la cavalerie. En temps de paix, chaque régiment de cavalerie avait à sa suite un escadron de vélites, comprenant deux compagnies de 125 hommes chacun, et chaque régiment d'infanterie un bataillon, comprenant deux compagnies de 150 vélites. En temps de guerre, ces compagnies se fondaient avec celles des vieux soldats, qui recevaient 45 vélites, et se trouvaient ainsi portées au nombre de 125 hommes. Chacune d'elles laissait en dépôt à Paris 20 vieux soldats et 15 vélites. Le costume de ces derniers était naturellement celui du corps dans lequel ils avaient été versés. En 1809, l'empereur détacha des fusiliers grenadiers, un bataillon de vélites pour servir de garde à la grande duchesse de Toscane à Florence. Ce bataillon continua à compter dans la garde impériale, fit les campagnes de Russie et de Saxe et fut incorporé au 14e de ligne en 1814. Des vélites tirés des fusiliers grenadiers furent aussi attachés au service du prince Borghèse à Turin et du prince Eugène à Milan. On forma d'abord les vélites à Saint-Germain-en-Laye, puis à Écouen et à Fontainebleau, où Bourgogne suivit les cours d'écriture, d'arithmétique, de dessin, de gymnastique, destinés à compléter l'instruction militaire de ses futurs officiers, car après quelques années, les plus capables étaient promus sous-lieutenants. Au bout de quelques mois, Bourgogne montait avec ses camarades dans les voitures réquisitionnées pour le transport des troupes. La campagne de 1806 allait commencer. Elle le conduit en Pologne, où il passe caporal, 1807. Deux ans après, il prend part à la sanglante affaire d'Essling, où il est deux fois blessé. De 1809 à 1811, il combat en Autriche, en Espagne, en Portugal. 1812 le retrouve à Wilna, où l'empereur réunit sa garde, avant de marcher contre les Russes. Bourgogne était devenu sergent. Il avait donc été un peu partout, et partout il avait noté ce qu'il voyait. Quel trésor pour l'histoire intime de l'armée, sous le Premier Empire, s'il a vraiment laissé quelque part, comme un passage de son livre paraît en exprimer le dessein, des souvenirs complets. Mais nos renseignements à cet égard ne permettent point de l'espérer. On doit à M. de Ségur une relation de la campagne de Russie. Son éloge n'est plus à faire. Seulement pour nous servir d'une expression courante, il n'est point vécu et elle ne pourrait l'être. Attaché à un état-major, M. de Ségur n'avait point à endurer les souffrances des soldats ni des officiers de troupes. Celles qu'on tient maintenant à connaître dans leurs plus petits détails. Elles font le grand intérêt des mémoires de Bourgogne, car c'est un homme sachant voir et rendre d'une manière saisissante ce qu'il voit. Il ne le cède point sous ce rapport au capitaine Coignet que Laurédan Larchet a fait revivre. Ses cahiers devenus classiques en leur genre ont inauguré une série nouvelle de mémoires militaires, ceux des humbles et des naïfs, qui représentent l'élément populaire. On a senti qu'il était utile et bon de se rendre de leurs impressions un compte exact. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la valeur dramatique des tableaux de Bourgogne, pour ne parler que de l'orgie de l'église de Smolensk, de son cimetière recouvert de plus de cadavres qu'il n'en contient, de ce malheureux franchissant leur monceau neigeux, pour arriver au sanctuaire guidé par les accents d'une musique qu'il croit céleste, tandis qu'elle est produite par des ivrognes montés à l'orgue prêts à s'écrouler parce que ses marches de bois ont été arrachées pour faire du feu. Tout cela est inoubliable. ces mémoires ne sont pas moins précieux pour la psychologie du soldat, déprimé par une suite de revers. Les combattants de 1870 y retrouveront une part de leur misère. C'est aussi le vrai drame de la faim. Il n'existe point de tableau comparable à celui de la garnison de Wilna, fuyant à l'aspect de cette armée de spectres prêts à tout dévorer. Et pourtant, on ne peut refuser à Bourgogne les qualités d'un homme de cœur. Ses accès d'égoïsme sont tellement contre sa nature que le remords suit aussitôt. On le voit ailleurs aider de son mieux les camarades, s'exposer pour l'évasion d'un prisonnier dont le père l'a ému. Les horreurs dont il a été témoin le pénètrent. Il a vu des soldats dépouiller avant leur dernier soupir ceux qui tombaient. D'autres, des Croates, retirer des flammes les cadavres et les dévorer. Il a vu, faute de transport, abandonner les blessés, tendant leurs mains suppliantes, se traînant sur la neige rougie de leur sang. Tandis que ceux qui sont encore debout passent, muets, devant eux, en songeant que pareil sort les attend. Sur les bords du Niémen, Bourgogne tombe dans un fossé couvert de glace, implore vainement, lui aussi, les soldats qui passent. Seul un vieux grenadier s'approche. « Je n'en ai plus, » dit-il en levant ses moignons pour montrer qu'il n'a pas une main à offrir. Près des villes où les troupes croient trouver la fin de leurs maux, le retour de l'espérance fait renaître les sentiments de pitié. Les langues se délient, on s'informe des camarades, on porte les plus malades sur des fusils. Bourgogne a vu des soldats garder, pendant des lieues, leurs officiers blessés sur leurs épaules. N'oublions pas ces essois qui garantissent leur jeune prince contre 28 degrés de froid, passant une nuit serrée autour de son corps, comme le faisceau protecteur d'une jeune plante. Cependant la fatigue, la fièvre, la congélation et ses plaies mal garanties par des oripeaux de toute provenance, les ravages produits sur son organisme par une tentative d'empoisonnement, en voilà plus qu'il n'en faut pour faire perdre à notre sergent la piste de son régiment, comme à tant d'autres. Seul, il avance péniblement à travers la neige où il disparaît, parfois jusqu'aux épaules. Heureux encore d'échapper aux Cosaques, de trouver des cachettes dans les bois, de reconnaître, par les cadavres rencontrés, la route suivie par sa colonne. Dans l'obscurité d'une nuit, il arrive sur le terrain d'un combat. Il bute contre les corps amoncelés, d'où s'élève un appel plaintif « Au secours !» En cherchant, non sans trébucher et tomber à son tour, il reconnaît un ami, bien vivant celui-là, le grenadier Picard, type de troupier dégourdi et bon enfant, dont la joyeuse humeur fait presque tout oublier. Mais un officier russe annonce que l'empereur et toute sa garde ont été faits prisonniers. Et voilà notre Loustic saisi d'un accès de folie, présentant les armes et criant « Vive l'empereur !» comme un jour de revue. C'est en effet chose digne de remarque. Malgré ses misères, le soldat n'accuse point celui qui est cause de ses infortunes. Il reste dévoué, corps et âme, avec la persuasion que Napoléon saura le tirer du mauvais pas, qu'il ne tardera point à prendre sa revanche. C'était une religion. Picard pensait, comme tous les vieux soldats idolâtres de l'empereur, qu'une fois qu'ils étaient avec lui, rien ne devait plus manquer, que tout devait réussir. Enfin qu'avec lui, il n'y avait rien d'impossible. Sans être aussi optimiste, Bourgogne partageait jusqu'à un certain point cette manière de voir. Et cependant, à sa rentrée en France, son régiment était réduit à 26 hommes. Leur Dieu les émeut toujours en le voyant au passage de la Bérézina, enveloppé d'une grande capote doublée de fourrure, ayant sur la tête un bonnet de velours amarante, avec un tour de peau de renard noir et un bâton à la main. Picard pleure en s'écriant « Notre empereur marchait à pied, un bâton à la main, lui si grand, lui qui nous fait si fiers !» Enfin, au mois de mars 1813, Bourgogne se retrouve dans sa patrie et reçoit l'épaulette de sous-lieutenant au 145e de ligne, avec lequel il repart pour la Prusse. Blessé au combat de Dessau, 12 octobre 1813, il est fait prisonnier. Ses loisirs de captivité sont consacrés au relevé de ses souvenirs, encore récents. Il prend des notes. Avec les lettres écrites à sa mère, elles serviront plus tard à rédiger ses mémoires. Et alors il se demande si c'est bien lui qui a écrit tout cela, tant le rappel de ce qu'il a vu le frappe de nouveau. Il se demande s'il n'a pas été le jouet de son imagination. Mais il sera fermier et se complète en causant du passé avec d'anciens compagnons dont il donne la liste. La concordance de leurs témoignages prouve qu'il n'a point rêvé. Le premier retour des Bourbons l'avait fait démissionner aussitôt, sous le prétexte de partager avec de vieux parents le fardeau de leur travail pour le soutien d'une nombreuse famille. Il pensait à un mariage qui suivit de près sa lettre au ministre. La vie de famille aussi a ses épreuves. Bourgogne le sentit après la perte de sa femme, laissant deux filles à élever. Il contracta un second mariage et eut encore deux enfants. Établi marchand mercier comme son père, il quitta bientôt le magasin pour s'occuper d'affaires industrielles où il perdit une partie de son bien. Ses habitudes simples, son heureux naturel, l'aidèrent à supporter ses revers, qu'ils ne l'empêchèrent point de donner une instruction convenable à ses filles. Il les adorait et sut leur inspirer l'amour des arts dont il était épris. L'une s'adonnait à la peinture, l'autre à la musique. Doué lui-même d'une jolie voix, il chantait à la fin des repas de famille, selon la coutume aujourd'hui presque partout délaissée. Il avait réuni dans sa demeure une collection relativement importante de tableaux, de curiosités, de souvenirs qu'on venait voir. À Paris, où il se rendait quelquefois, il ne manquait point de visiter aux Invalides ses anciens compagnons d'armes. Il en retrouvait aussi quotidiennement plusieurs dans sa ville natale, au café où il causait de leur campagne. Au dîner qui les réunissait le jour anniversaire de l'entrée des Français à Moscou, ils buvaient à tour de rôle dans un gobelet rapporté du Kremlin. Les vieux soldats de la garde avaient le culte du passé. Avec les journées de 1830 et le retour des trois couleurs, il pense à reprendre du service. Or, sa famille jouit de quelque influence à Condé, où son frère est médecin. Alors député de Valenciennes, monsieur de Vatimesnil, ancien ministre de Louis XVIII et de Charles X, dont il vient de voter la déchéance, ne manque pas d'appuyer un brave ayant 9 campagnes, 3 blessures et méconnu par le gouvernement tombé. Comme compensation légitime, il propose sa nomination à l'emploi de major de place, vacant à Condé. La lettre au maréchal Soult, alors ministre de la guerre, est contresignée par les deux autres députés du Nord, Brigode et Morel. La réponse n'arrivant point, M. de Vatimesnil revient à la charge, 15 jours après. Cette nomination, écrit-il, qui serait excellente sous le rapport militaire, ne serait pas moins utile sous le rapport politique. À une lieue de Condé se trouve le château de l'Ermitage, appartenant à M. le duc de Croix, où sont réunis beaucoup de mécontents. Loin de moi la pensée de supposer qu'ils aient de mauvaises intentions. Mais enfin, la prudence exige qu'une place forte, située aussi près de ce château et sur l'extrême frontière, soit confiée à des officiers parfaitement sûrs. Je vous réponds de l'énergie de M. Bourgogne. À défaut d'emploi, il demande pour son protégé la croix de la Légion d'honneur. Mais Bourgogne n'en est pas moins oublié au ministère, où l'on ne retrouve aucune trace de ses services. M. de Vatimesnil est obligé de former un dossier qu'il envoie le 24 septembre. 2 mois après, le 10 novembre, l'ancien vélite est enfin nommé lieutenant-adjudant de place, mais à Brest et non à Condé. C'était bien loin, mais enfin, il avait un pied à l'étrier. Et puis la croix vint le 21 mars 1831 l'aider à prendre patience, sinon à oublier le sol natal. De nouvelles démarches sont faites pour le poste d'adjudant de place à Valenciennes. Il n'y omet point son titre d'électeur, important alors. Son vœu fut enfin exaucé le 25 juillet 1832, et l'on se souvient encore à Valenciennes des services qu'il rendit, notamment pendant les troubles de 1848. Ses droits à la retraite lui valurent en 1853 une pension de 1200 francs. Il mourut octogénaire le 15 avril 1867, 2 années après le légendaire Coignet, qui alla jusqu'à 90 ans. On voit que leur rude existence n'avait pas suffi pour hâter leur fin. Il est vrai qu'il fallait être exceptionnellement solide pour avoir survécu. Malheureusement, des souffrances physiques empoisonnèrent ses derniers jours. Elles ne lui enlevèrent toutefois ni la belle humeur, ni la philosophie qui formait le fond de son caractère. Une de ses nièces, Madame Bussière, veuve d'un chef d'escadron d'artillerie, était d'ailleurs venue après la mort de sa seconde femme, victime du choléra qui sévit à Valenciennes en 1866, adoucir par des soins dévoués l'amertume de ses maux. Le portrait de notre héros, qui a pris place en tête du volume, est la reproduction d'une lithographie représentant Bourgogne, à l'âge de 45 ans, avec l'air officiellement sévère et le regard un peu dur de l'adjudant de place, personnification vivante de la consigne. Mais ce que nous savons de sa bonté naturelle montre que c'est ici le cas d'appliquer le précepte du poète « Garde-toi tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine ». Ajoutons qu'au temps de sa jeunesse, il passait, non sans raison, pour un beau soldat. Sa haute stature, son air martial imposaient. Selon notre coutume, nous n'avons fait d'autres modifications au texte que la rectification de l'orthographe et la suppression des phrases inutiles. Moins scrupuleux s'est montré un journal disparu, l'écho de la frontière, qui a donné en 1857 une partie des mémoires de Bourgogne, en les corrigeant si bien qu'il les a dépouillés de leur couleur originale. La collection de l'Écho de la Frontière est des plus rares. Le seul exemplaire que nous en connaissions se trouve à la bibliothèque de Valenciennes. Son feuilleton de Bourgogne fut tiré à part. Nous n'avons pu en retrouver que de rares exemplaires. Ce tirage à part ne contient même qu'une partie du texte publié par le journal, et ne dépasse point la page 176 du présent volume. L'Écho de la Frontière conduit le lecteur jusqu'à la page 286. Nous avons donc regardé ces mémoires comme ayant la valeur d'une œuvre inédite, jusqu'à leur publication en 1896, dans la nouvelle revue rétrospective. Le manuscrit original, qui avait été déposé en 1891 à la bibliothèque de Valenciennes, vient d'être acquis entre les mains de la fille de Bourgogne, Madame Defax, qui se compose de 616 pages in folio, presque toutes de la main de l'auteur. Nous restons les obligés de M. Auguste Molinier, qui le premier a songé à en offrir la publication à la nouvelle revue rétrospective, et de M. Edmond Martel, qui a bien voulu faire pour nous des recherches sur la famille Bourgogne à Valenciennes et à Condé. Nous nommons encore les neveux de notre héros, M. le docteur Bourgogne et M. Amédée Bourgogne, M. Loriot, son ancien propriétaire, M. Paul Marmottan, et nous avons fait apprécier l'importance, comme la multiplicité des concours apportés à notre œuvre. Leur constatation reste en même temps notre première garantie.